Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le magazine Playboy. Moto, alcool, eau de Cologne, cuir, tabac, stéréo, livres, disques, littérature, caricature, philosophie, humour, cuisine, exotique. Ah, et aussi des photos de nu, j'allais l'oublier. L'animatrice de femmes d'aujourd'hui, Aline Desjardins, qui décrit avec humour et un peu de dérision le contenu du magazine Playboy en 1969. Amusant de réentendre cet extrait, d'autant plus amusant qu'en octobre 2015, Playboy a annoncé qu'il n'y aurait plus, justement, de photos de femmes nues dans ses pages à compter de mars 2016. Est-ce la nouvelle révolution Playboy? Hugues Hefner, 38 ans, grand prêtre de la mystique Playboy. Il aime les jolies filles et la bonne littérature. Alors, pour lui, les actrices les plus célèbres, Ursula Andress, Jeanne Moreau, Sophia Loren, Brigitte Bardot, posent presque nues. Et des écrivains tels que Sartre, Durel, Genet ou Henri Miller écrivent dans son magazine. Hugues Hefner vit dans ses appartements comme aurait vécu un pharaon à l'intérieur d'une pyramide. Il ne sort jamais. Toutes les fenêtres de la maison sont condamnées. Il n'y a pas de pendule. Extrait d'un reportage de l'ORTF qui remonte à 1967 et qui nous donne un aperçu du personnage Hefner, le fondateur de Playboy, et qui témoigne aussi du tour de force qu'a réussi Hugh Hefner en réunissant dans ses pages des photos de grandes vedettes comme Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, avec des textes d'auteurs de calibre comme Jean-Paul Sartre, comme Jean Genet, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour nous raconter cette histoire de Playboy, la journaliste et féministe Francine Pelletier. Francine, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. L'histoire de Playboy, par Francine, vue par Francine Pelletier. Je suis curieux, ça promet. Commençons par le début, par la fondation de Playboy. Ça commence donc cette histoire en 1953. Aussitôt que 1953, Hugh Hefner n'a que 27 ans. Il vient de quitter Esquire Magazine, où ça a été son seul emploi depuis l'université. On lui a refusé une augmentation de salaire de 5 $. Déjà, il avait un peu le front tout autour de la tête, parce que 5 $ à l'époque, comme augmentation, c'était sensible. Et donc, il a décidé qu'il partait son propre magazine. Et donc, évidemment, il n'invente pas tout, là. Il a beaucoup émulé, imité même Esquire Magazine. C'est le gentleman magazine. Osé, c'est un peu la même recette. Vous savez, on s'adresse à la fois à la tête et à d'autres choses. chez les hommes, il y a de la littérature, de la cuisine, de la moto et évidemment, pas de photos de nus, mais des photos quand même osées de femmes en déshabillées. Des photos de bon goût, mettons. Hefner va un peu casser ce moule, va vraiment pousser l'enveloppe en publiant dès son premier numéro et c'est ce qui assure son succès pour des années à venir. Pas la moindre. Marilyn Monroe flambant nue. Qui fait la une. Ben Marilyn qui fait la une et dans le magazine. Et dans le fameux centerfold qui va devenir une véritable tradition à partir des années 60. Il a obtenu, pas d'elle, c'est pas lui qui a pris ou son photographe qui a pris la photo, mais il y avait un fabricant de calendrier qui avait une photo nue de comme ça. C'était quand même encore le début de la carrière de Marilyn Monroe. Il a acheté la photo de ce marchand-là. Et évidemment, il n'a même pas mis une date sur son premier numéro, n'étant pas sûr qu'il y en aurait un deuxième. Mais il dit quelque chose dès le premier numéro. Il dit, pour annoncer ses couleurs, il dit « On veut que ce soit très clair dès le début que ce n'est pas un magazine de famille. Si vous êtes la sœur, la femme ou la belle-mère de quelqu'un et que vous l'avez pris par erreur, remettez-le à l'homme dans votre vie et retournez au Ladies Home Companion. Ouais. » Pour vous dire un peu, ça les vous donne un peu la mesure. Son marché, c'est les hommes urbains, beaucoup, là. C'est l'homme urbain sophistiqué qui, comme lui, en a soupé de l'Amérique conservatrice, pudique. Parce que c'est ça aussi l'arrivée de Playboy en 53. Absolument. C'est là le génie de Hefner. d'avoir compris qu'on en avait soupé de cette ère. La répression sexuelle est immense dans les années 50. Oui. Après 30 ans de guerre, de récession économique, on se promène les fesses très serrées. Mm-hmm. Et donc, Esquire est déjà très osé, mais rien comme Playboy. Et donc, lui va partir avec ça. Et dès le premier numéro, c'est vendu à 50 000 exemplaires. Je pense d'ici quelques années, il va faire 1 million. Et c'est parti là, comme ça pour bien des décennies. Succès immédiat. Puis il a un flair parce que, on en reparlera plus tard dans l'émission. Il y a des grandes entrevues qui s'ajouteront au magazine dans les années 60. Mais la première grande entrevue, ce sera Miles Davis. La première couverture, c'est Marilyn Monroe. Le coup de maître, il est très fort en marketing, Hefner. Ça, tout du long, ça va être là. Tout à fait. En fait, la première grande entrevue, quand on dit, vous savez, on lit Playboy pour les entrevues, c'était toujours un peu une farce. Mais il y avait effectivement, à partir de 1962, mais ça a pris presque 10 ans. Ouais. Et c'est pour répondre un peu à la critique. D'ailleurs, il va se faire poursuivre pour obscénité et tout ça. Il va gagner tous ses procès à ce titre-là parce qu'il se fait évidemment dire qu'il dépasse les bornes, que c'est obscène, etc. Mmh. Donc, lui, dès 1960, d'ailleurs, il publie à tous les mois ce qu'il appelle la philosophie Playboy, où il dit on est pour la liberté, on est le rêve américain, en fait, mais pour en ce qui concerne tout, pas simplement la société, la politique et la liberté d'expression, mais la liberté sexuelle. Et ils veulent devenir le grand défendeur de la révolution sexuelle. Mmh. C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, ça tombe bien, notre prochain extrait, Francine Pelletier, parle justement de cette philosophie Playboy. C'est le début des années 60, 1962. On écoute la journaliste Madeleine Gobeil, qui à ce moment-là va à la maison Playboy de Los Angeles, et elle en revient, et elle partage ses impressions à l'émission justement qui s'appelle Partage du matin en 1962. Plus se proclame d'une nouvelle morale sexuelle. Enfin, à mon sens, ce sont plutôt des voyeurs, des gars qui vous disent comme cette petite fille, I am your bunny, je suis là, le sexe est à votre portée. Ce n'est pas malin. Voyez-vous, avant on leur disait c'est vilain le sexe. Eux vous disent mais c'est clear. Clean, ils disent toujours ça, à tous les deux mots, ils disent clean et clear. Mm-hmm. Et c'est très propre. Dans le magazine, vous voyez une belle fille étalée, là, comme ça, presque tout, complètement nue. Il n'y a pas le trouble d'une conscience avec une autre conscience qui est la rencontre humaine ordinaire. Mais non, on vous dit, c'est franc, vous n'avez pas à avoir peur. Alors même aussi, par exemple, les garçons qui demandent des conseils au courrier du cœur, le conseil habituel, c'est, ils disent, il y a une fille qui vient chez moi très très souvent, que dois-je faire? Je ne veux pas qu'elle s'attache. Alors on lui dit, on lui répond le plus souvent, eh bien, il s'agit d'avoir le plus possible des aventures, d'en cumuler beaucoup, mais il ne faut jamais donner sa clé à une fille, ce qui est très symbolique, enfin, amusons-nous, mais ne nous attachons pas. Amusons-nous, mais ne nous attachons pas. C'est ça, en partie en tout cas, mais c'est ça la philosophie Playboy, Francine. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est l'hédonisme dans toute sa splendeur, avec évidemment les voitures sport, la pipe et le cigare. Hugh Hefner, dès les années 60, devient l'icône de cette philosophie-là. L'homme en pyjama de soie, en smoking, la pipe à la bouche, derrière une Jaguar avec une floppé de belles jeunes femmes autour de lui dans un château avec des piscines et des grottes. Et c'est la vie à son meilleur. C'est la belle vie. Le plaisir sans limite. Sans limite. C'est donc, tellement loin de l'époque actuelle quand on y pense, où on prend soin de soi. On n'est pas là-dedans. On est dans le plaisir. On vit à 200, 300 à l'heure. Absolument. Il n'y a pas de conséquences à ce qu'on fait. Il y a simplement le plaisir qui compte. Évidemment, il s'empresse de dire que le plaisir n'est pas à sens unique. C'est ce que les féministes vont lui reprocher, que la révolution sexuelle, c'est juste pour les hommes et c'est pas pour les femmes. Ils disent non, non, non. Ils disent c'est le désir, c'est pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est un des rares hommes à cette époque-là qui va parler en ces termes-là. Mais en même temps, je veux dire, c'est clair à le voir que c'est un paradis fait pour un homme. Je veux dire, c'est quasiment du Walt Disney sexuel, là. C'est un fantasme presque juvénile d'avoir l'homme avec sa Jaguar et sa flopée, sa flopée de lapine, dans le cas de Playboy, parce que, évidemment, c'est devenu le symbole, n'est-ce pas, du magazine et de l'empire, parce que très vite, il y a aussi un empire avec des hôtels, des séries télévisées, un jet personnel, etc. Donc, ça devient une très grosse entreprise. Cette fameuse lapine avec le nœud papillon, le symbole, ça vient d'où? Ça correspond à quoi, Francine Pelletier? Ben, c'est dès le premier numéro, le graphiste, je pense qu'il avait pensé à un autre symbole, un autre animal, et finalement, ils ont décidé le lapin, pour toutes les raisons qu'on connaît, parce que le lapin, vous savez, ça aime bien, sont sexuellement actifs et c'est adorable. D'ailleurs, ça fait partie de la force de Playboy de Hugh Hefner et qui fait beaucoup partie de sa philosophie et qui va beaucoup aider à mousser les ventes du magazine, à le rendre un peu respectable, l'idée de la « girl next door ». D'ailleurs, Madeleine Gobin en fait référence dans l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que c'est pas... On parle pas de... Il y a mis Marilyn Monroe sur son premier numéro, mais après ça, c'est votre secrétaire là, qui est dans les pages du milieu. Ça pourrait être votre sœur. Ce ne sont pas des femmes exceptionnelles, ce n'est pas des actrices. Ce sont des femmes de tous les jours qui, elles aussi, vous savez... aime bien la belle vie, aime bien la sexualité. C'est ça le message. Et ça aide à faire passer la pilule, si on peut dire, par rapport aux gens qui sont absolument scandalisés ou les féministes qui trouvent évidemment que c'est deux poids, deux mesures. Oui. On a dit qu'il était d'abord chez Esquire, le compétiteur, mais autrement, un mot sur lui quand même, Hugh Hefner, qui est ce gars-là? Eh bien, c'est un jeune homme parfaitement américain qui a servi dans l'armée, d'ailleurs, durant la guerre, qui a fait l'université, qui a étudié la psychologie, qui a étudié l'art aussi. Donc, le vernis intellectuel, c'est pas complètement faux, ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est un homme qui a étudié, mais qui vient d'une famille de méthodistes très stricts. Donc, la répression sexuelle, on a l'impression, d'ailleurs, que toute sa vie, finalement, parce qu'on le voit aujourd'hui, à 86 ans, toujours en pantalon, en pyjama de soie, toujours avec 25 jeunes femmes, on dirait toujours de plus en plus jeune, si ce n'est que lui est de plus en plus vieux. Ça devient un peu grotesque, d'ailleurs. Ça devient un peu la caricature. Ouais. Mais on a l'impression que c'est envers son propre milieu qu'il réagit. Ouais. Face à la révolution sexuelle, il y a un intérêt très personnel, lui, pour mousser cette philosophie, si on peut dire. Alors, ce vernis intellectuel qui ne vient pas de nulle part, vous dites qu'il y a une réelle assise. Le côté plus sérieux du magazine, on s'y penche un instant. Et puis, on vient à l'extrait du début. Ce génie qu'il a, de grandes vedettes, Bardot... Plein de femmes donc, qui vont accepter de poser avec des auteurs qui vont participer au magazine, qui vont écrire dans les pages du magazine, costaud, Sartre, qui quand même écrit des articles dans Playboy. Pour nous parler de cette teneur intellectuelle du magazine, un extrait d'une entrevue avec le philosophe français Jacques Mousseau à l'émission Format 30. Playboy peut offrir un certain nombre de documents de grande qualité au point de vue texte, des écrivains de grande qualité écrivent dans Playboy, des personnages extrêmement éminents, non seulement du monde du spectacle, mais du monde de la politique, des personnages de dimension internationale ont donné à Playboy des interviews vraiment d'une portée considérable. Et si Playboy doit avoir du succès, c'est sur cette base-là. Alors, on fait souvent la blague, vous l'avez entendu comme moi, Francine Pelletier, j'achète Playboy pour les articles de fond, mais sur le fond, justement, quelle envergure a ce magazine à Playboy, sur le plan plus intellectuel, je dirais? D'ailleurs, Tony Bennett en a une encore meilleure que celle-là. Il dit « Quand vous arrêtez de vous masturber, vous trouvez plein de choses dans Playboy. » Mais c'est vrai. C'est que, en fait, James Bond est né dans les pages de Playboy. C'est là que Ian Fleming a commencé à créer ou à montrer son personnage de James Bond. Bon, on a parlé de Sartre de Genève, mais il y avait Dalton Trumbo, il y avait Ray Bradbury, même Margaret Atwood, beaucoup plus tard, va publier dans Playboy. Ce n'est pas de la petite bière. En plus de ça, Hugh Hefner est un homme à contradiction, si on peut dire, ou en tout cas, il y a vraiment un côté intéressant dans le sens qu'il a été franchement révolutionnaire, pas dans la révolution sexuelle, je dirais, mais en défendant la cause des Noirs. Ces fameux Playboy Club là, qui sont partout là, à partir des années 60, il y a 230 000 membres à travers les États-Unis. Et dans le sud des États-Unis, les Noirs n'ont pas le droit d'aller dans des boîtes comme ça où il y a des Blancs. Et Hugh Hefner fait un pied de nez aux autorités, il va gagner la partie. La première grande entrevue avec Miles Davis, c'est pas pour parler de jazz, mais c'est pour parler de la question des Noirs. Par ailleurs, il va créer un festival de jazz parrainé par Playboy très, très important. Il va parrainer le premier film de Monty Python, c'est Playboy, c'est Hugh Hefner qui est derrière ça. Donc, il y a un côté intellectuel important. Cela dit, il y a ce autre boulet qui, de plus ça va aller, plus ça va être un boulet, puis c'est la façon qu'il traite, l'objectification de la femme. Des femmes, exact. Là, si on peut dire. On y vient, parce qu'effectivement, c'est incontournable, et ça va évoluer. Comment ça va évoluer, cette représentation de la femme dans les pages de Playboy? Vous évoquiez tout à l'heure... au tout début, cette notion de girl next door, la fille d'à côté, celle qui pourrait être notre voisine, ça commence comme ça, mais ça évolue, là. Ça évolue, oui. De plus ça va, plus... plus ça va, la couverture, on voit aussi une évolution dans la couverture un peu dans le même sens, plus on voit que la culture change, là. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas pudique, mais c'est beaucoup plus abstrait comme couverture, c'est beaucoup plus conceptuel. Dans les années 60, ça devient déjà plus osé. Les années 70, c'est vraiment provocateur. Les femmes sont... Il y a vraiment de la nudité gros derrière qui vous fait un gros sourire sur la page couverture et ainsi de suite. Et les femmes, de la même façon qu'au début, ce sont les girl next door, c'est-à-dire les petites femmes, proportions réelles, là, souvent brunes, pas très grandes, pas très grosses, pas plus plantureuses qu'il faut. Et avec le temps, elles sont tous blondes, avec des grandes jambes, avec évidemment une poitrine complètement refaite. D'ailleurs, ça fait partie des conditions de vie dans le Playboy Mansion, c'est-à-dire qu'on a tout l'argent qu'on veut pour se refaire une chirurgie plastique et pour se refaire une beauté, mais selon un certain modèle. Et vers la fin, ils se ressemblent tous, ces filles-là. La bimbo, là, c'est l'air de la bimbo. La bimbo devient reine, oui. Bon, qu'est-ce que vont penser les femmes, les féministes de Playboy? On en parle dans un instant, Francine Pelletier, mais un petit extrait d'abord. On revient à l'émission animée par Aline Desjardins à l'époque, Femme d'aujourd'hui, en 69. La journaliste Céline Légaré et Jeannette Bertrand qui parlent de Playboy avec Aline Desjardins. Quelle est votre réaction, mesdames, lorsque vous voyez à la maison ou bien que vous voyez un monsieur qui a en main le Playboy? Céline, par exemple. Bien, ça me fait penser à... ou bien une femme qui lit une revue de mode, parce qu'en somme, c'est peut-être leur revue de mode à eux, les Playboy, ou bien à un adolescent, comme... vous savez, c'est très difficile de faire la conquête d'une vraie femme en chair. Et alors là, c'est le rêve. On n'a pas besoin de faire de conquête. On est là. Vous savez, quand on a été adolescent, on a tous placé en haut de son lit les photos d'acteurs. Quand on était adolescente, nous, c'est ça qu'on faisait. Et puis, on rêvait parce que, naturellement, l'homme nous faisait un peu peur. Alors, je pense que le phénomène est peut-être le même chez l'homme. La femme lui fait un peu peur. Alors, il la met énorme comme ça, là. Et ça lui rappelle sa mère peut-être aussi parce qu'elles sont toutes énormément pourvues. Alors, c'est peut-être ça. Moi, en fait, c'est comme ça que je réagis. C'est un phénomène qui se prolonge, alors. Et Jeannette Bertrand, vous, comment réagissez-vous? Ben, je pense que les hommes, les vrais, peuvent feuilleter la revue par curiosité. Que s'il y a des lectrices, comme le disait Jean Brousseau, c'est peut-être parce qu'elles ont besoin de faire des comparaisons pour savoir qu'est-ce que leur mari aime tant là-dedans, qu'est-ce que leur mari vont chercher. Mais je pense qu'un vrai homme n'a pas besoin de cette imagerie qui, s'il fait vraiment de l'infantilisme sexuel, qui a besoin de ça, mais qui aussi a besoin aussi d'être un peu voyeur pour être tout à fait puissant, il a besoin de ça. Mais les autres, les hommes ordinaires, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Ça fait sourire, en fait, avec le recul, cet extrait, mais sur le fond des choses, la relation entre Playboy et les femmes, entre Playboy et les féministes, Francine Pelletier. Ben, d'abord, ça commence en 1963, quand la grande, Gloria Steinem, elle n'est pas grande à l'époque, elle est inconnue à l'époque, c'est une journaliste quand même à l'époque, et elle va aller se faire embaucher. Elle s'infiltre. Clandestinement. Oui. C'est digne d'enquête, oui. Ça. Dans un Playboy Club à New York, et elle prend un autre nom, etc., pour ensuite écrire dans un magazine sur c'est quoi être un bonnet. Bonnie's Tale, c'est le titre de ses articles, et elle défait un peu le mythe comme quoi c'est la belle vie dans ces lieux-là. Elle dit, bon, d'abord que le salaire n'est pas terrible, qu'on se fait pincer les fesses, et il faut passer des examens génitaux pour être tout en règle. En fait, c'est pas tous les jours très drôle et on fait pas nécessairement l'argent qu'on nous promet. Oui. Donc, c'est le début c'est la première salve, si on veut, des féministes contre Playboy. Il va y en avoir d'autres. Il y a une scène mémorable dans un film sur Hugh Hefner où Susan Brown Miller, dans les années 70, ils sont dans un panel et lui défend évidemment la révolution sexuelle. Et moi, je défends les femmes, je défends leur désir. Puis elle dit, alors promenez-vous donc, vous, avec une queue de lapin collée au cul pour voir comment vous vous sentez. Et vlant dans les gencives. Donc, oui. Tu sais, la question que c'est deux poids, deux mesures, que c'est tout ça est conçu pour le fantasme, un monde fantastique, mic des hommes, un peu juvénile, effectivement. C'est sûr que c'est ce qui passe pas pour les femmes qui ne prennent pas ça pour, je dirais, pour une révolution sexuelle pour elles. Là, c'est pour les hommes et ça vient de finir. Mm-hmm. Mais étonnamment, le féminisme n'aura pas la peau de Playboy dans les belles années. Mm-hmm. Ça commence à, mais dans les belles années, c'est-à-dire dans les années 70, les féministes attaquent Playboy et ça commence à baisser, mais pas seulement à cause du féminisme, à cause de la récession. Oui. Il y a de moins en moins de ventes, mais c'est encore un énorme vendeur. Ça va prendre les années 90 où là, ça devient l'ombre de lui-même. Mm-hmm. Bon, faut dire que Hugh Hefner est beaucoup plus vieux et la recette commence à être un peu éprouvée à ce moment-là. Puis de fait, ce qui est un peu cynique, c'est que c'est pas une victoire féministe non plus, c'est qu'il se fait doubler parce qu'en matière de porno, il fait un petit peu office d'amateur là, avec ce que va devenir la porno, pour ceux qui en veulent. Exactement. Alors, plus les femmes dans Playboy deviennent des espèces de catins un peu artificiel, plus ça devient osé, plus c'est clair qu'ils sont en compétition avec la pornographie qui est de plus en plus partout. Et donc, on ne peut pas compétitionner avec ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, le fameux modèle, vous avez un peu de littérature, puis vous avez une belle fille à vous mettre sous la dent. Je pense que passé les années 80, début 90, c'était fait, cette affaire-là. Aujourd'hui, si on veut de la bonne littérature, on sait où aller. Puis si on veut que des fesses, ben, on sait où aller aussi. Je reviens, on boucle la boucle. Playboy qui a annoncé récemment qu'il ne publierait plus, le magazine ne publiera plus de photos de femmes nues. C'est possible, Playboy, sans photos de femmes nues, Francine Pelletier? Moi, je pense pas. Je pense que la réussite de Hugh Hefner, ça aurait été d'oser quelque chose aussitôt que les années 50 par rapport à la nudité et toute la question de la révolution sexuelle. C'est ce qui a fait sa force. Encore une fois, c'était plus d'un côté que de l'autre, du côté des hommes plutôt que des femmes. Mais aujourd'hui, en plus, toutes les grandes causes qu'il a défendues parce qu'il s'est prononcé contre la guerre au Vietnam, puis pour la liberté d'expression, puis pour la cause des Noirs, mais toutes ces grandes causes-là aussi sont dépassées. Donc, il n'y a plus raison d'être. Le Playboy est un espèce de véhicule un peu vide où, comme je dis, il y a tellement de compétition pour ce qui est des bonnes entrevues, puis du bon journalisme et de la bonne littérature. Et pour ce qui est du soft porn, ben il y en a plein, les réseaux sociaux et l'Internet et la télévision et partout où on regarde. Francine Pelletier, journaliste, chroniqueuse au Devoir, entre autres. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous recevoir, Francine. Merci. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Armand Roux. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire au singulier @radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.